La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Jusqu'à sa mort en 1980, Maurice Genevoix, écrivain et secrétaire perpétuel de l'Académie française, a considéré qu'il vivait en sursis. Cela depuis le 25 avril 1915, date à laquelle il a été grièvement blessé dans la tranchée de Calonne, le même jour et au même endroit que l'écrivain allemand Ernst Jünger. Mais s'il n'a jamais pu oublier la guerre, Genevoix s'est appliqué à vivre pleinement ses 65 années de sursis, comme nous l'avons vu lundi au cours de notre émission introductive, c'était avec sa biographe Aurélie Luneau. Et puis mardi, nous sommes revenus sur la Grande Guerre de l'écrivain et notamment sur le rôle qu'a joué Paul Dupuis, à l'époque secrétaire général de l'École Normale Supérieure, dans la genèse de Ceux de 14 dont il a encouragé la publication. Enfin demain, avec Anne-Marie Royer-Pantin, nous parlerons du rapport de l'écrivain avec la peinture, lui qui pratiquait l'aquarelle sur les bords de Loire et qui était un intime de Vlaminck. Enfin, en deuxième partie, son petit-fils Julien Larère-Genevoix viendra évoquer notamment le roman Rabolio, qui obtint le prix Goncourt en 1925. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer Genevoix dans son rapport avec la nature, nous sommes en compagnie de Jacques Tassin, docteur en écologie, ingénieur en agronomie tropicale. Avec Aurélie Luneau, il a rédigé la biographie de l'auteur de Ceux de 14 aux éditions Flammarion. On lui doit également La vie selon Genevoix aux éditions du Petit Pavé, au devant de Maurice Genevoix qui paraît également ces jours-ci chez Corsair Éditions, ainsi que beaucoup d'autres livres sur l'écrivain. Bienvenue à tous, voici La Compagnie des œuvres. Et qu'est-ce donc, d'après vous, que cette vie vivante ? Je ne sais pas non plus, prince. Je sais seulement que ce doit être quelque chose d'infiniment simple, de tout à fait ordinaire, qui saute aux yeux chaque jour et à chaque minute, si simple que nous avons peine à croire que ce soit si simple, et que nous passons naturellement devant depuis bien des milliers d'années, sans le remarquer ni le reconnaître. Genevoix, lisant un extrait de L'Adolescent de Dostoïevski. Bonjour à vous, Jacques Tassin. Bonjour. Tout comme Genevoix était habité par la vie vivante de la nature, vous-même, vous êtes habité par l'œuvre de Maurice Genevoix. C'est en tout cas ce qu'avait dit de vous et ce que vous avez dit le journaliste Bernard Maris, qui était, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, le mari de Sylvie Genevoix, la fille de l'écrivain. Il était déjà veuf de Sylvie Genevoix quand vous l'avez rencontrée en 2013, et vous racontez dans votre livre La vie selon Genevoix que Bernard Maris était alors plongé dans le regret de n'avoir jamais connu son beau-père, et même aussi blessé de n'avoir jamais pu partager avec sa femme Sylvie un peu du souvenir de cet homme. Vous étiez donc allé le voir et il vous avait dit cette phrase: vous êtes hanté, Jacques Tassin, par Maurice Genevoix. Et c'est vrai que on s'en rend compte en lisant vos livres. Est-ce que vous auriez pu être hanté par un autre écrivain? Qu'est-ce qui fait que finalement il y a une relation qui s'est tissée entre vous et cette œuvre si forte que vous lui avez consacré de nombreux livres? J'ai essayé d'être envoûté par d'autres écrivains. J'utilise ce terme volontairement, d'envoûtement, d'ensorcellement, mais en tout cas de joie ressentie à la lecture de Maurice Genevoix, mais j'ai pas trouvé d'équivalent. Alors ce n'est pas une surprise pour qui s'intéresse au vivant, à la nature, d'observer de manière commune cet émerveillement que le lecteur dont je suis peut ressentir en rencontrant cet écrivain qui maîtrisait si bien les mots, l'écriture, qu'il savait rendre compte des expériences sensibles que l'on a au contact du vivant, du vivant très simple, très ordinaire. Alors, je sais que ça émerveille les chasseurs, par exemple, de retrouver leurs propres sensations, leurs sentiments qu'ils éprouvent dans cette quête, parce qu'il s'agit aussi d'une quête qui a intéressé Genevoix, d'ailleurs, hein, cette quête de la chasse. Vous avez parlé avec des chasseurs, parce que vous êtes écologiste, hein, oui, vous n'êtes pas chasseur. Oui. On parlera de la chasse au cours de cette émission, mais vous avez parlé avec des chasseurs et ils se retrouvent dans les textes. Oui, mais il y a quelque chose de commun. Il s'agit d'une traque. Il s'agit d'une traque de quelque chose qui est un peu dans l'au-delà, qui ressemble parfois à une quête amoureuse. Hein. Genevoix le disait lui-même. Mais ce qui intéressait dans Genevoix, c'était pas l'aboutissement de la chasse, qui est quand même le fait de tuer. Lui-même n'était pas chasseur. D'ailleurs, sa fille Sylvie Genevoix disait « Ceux qui considéraient mon père comme chasseur ne l'ont pas lu ou l'ont mal lu. » Genevoix s'est intéressé à l'art de la chasse, hein, dans des romans comme La dernière harde ou La forêt perdue. Mais il réprouvait la chasse. Il disait, ça se finit toujours mal, cette histoire-là. On reviendra sur ce thème qui est quand même important dans l'émission qui nous attend sur le rapport à la nature. Je voudrais revenir sur ce mot de habiter et sur le vers de Hölderlin, poétiquement toujours, sur la terre habite l'homme. Il s'agit d'habiter poétiquement le monde. C'est un vers que vous-même vous citez, Jacques Tassin. Oui, c'est un peu le fondement, enfin c'est pas un peu, c'est le fondement de la poésie, qui est cette transparence, qui est cette manière d'être, qui se mérite. Hein, c'est une grâce qui se mérite, il le disait, qui permet d'être en communion avec le sensible, non pas à distance. Lui, il taclait volontiers les scientifiques, d'ailleurs, hein, en reprenant un peu la posture de Merleau-Ponty, qui disait « la science manipule les choses, elle renonce à les habiter ». Et Maurice Genevoix disait que les scientifiques, les savants, ont trop lu, ils ont trop paperassé. Là, je suis en train de citer Forêt voisine. Et il reste aussi dans une collection glacée de ce qu'ils observent. Genevoix ne voulait pas de cela. Genevoix, ce qu'il nous proposait, et ce qui est d'ailleurs très actuel, c'est une relation fondamentalement sensible, vivante avec le vivant. C'est pour ça qu'il parlait de vie vivante dans l'exergue au roman Un jour, qu'on a entendu en tout début de l'émission. Donc il y a une manière scientifique, ou plutôt une façon que peuvent avoir les scientifiques de lire Maurice Genevoix, puisque finalement c'est c'est mon cas. Parcours-là que vous racontez. Tout à fait. Mais moi, ce que je revendique volontiers, autant dans mes livres que dans mon quotidien, c'est une approche du vivant qui ne soit pas glaciale, qui ne soit pas à distance, voire poussiéreuse, mais qui traduisent une expérience sensible, réelle, avec le vivant. Et c'est ce que Genevoix a toujours mis en scène. Une expérience intime. Intime, oui, tout à fait. Parfois même spirituelle. Il n'y a aucun de ses romans qui ne procède d'abord d'une expérience vécue avec le reste du vivant. Et quand je dis le reste du vivant, je mets une césure que lui-même ne mettait pas. Pour lui, sa vie était aussi dans les autres êtres vivants. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment assez moderne. C'est très, très moderne. C'est très moderne. C'est très moderne du point de vue de l'écologie, qui a parcouru tout un itinéraire en opposant à ses débuts la nature et l'homme, et puis en mettant la nature au service de l'homme, avec les services écosystémiques dont on parlait tant il y a encore quelques années. Mais maintenant, on parle de l'homme dans la nature et l'homme avec la nature. Donc c'est un changement total de regard, avec une certaine connivence, une certaine communion, une certaine coaction entre l'homme et la nature, et qui est en train de percoler dans le domaine même de l'écologie. Giscard d'Estaing, quand il était candidat à l'élection présidentielle en 1980, l'année de la mort de Genevoix, s'était un peu emparé quand même de ce thème-là. Oui, alors j'imagine, je ne sais pas, mais j'imagine que c'était une manière pour lui de tacler René Dumont. Qu'est-ce qu'il avait dit? Alors, il avait dit à sa mort que nous avons perdu le premier des écologistes de France. À cette époque, sincèrement, le premier, c'était bien René Dumont. Mais sans doute n'avait-il pas apprécié que René Dumont se présentât en même temps que lui aux élections présidentielles. Mais alors, il s'agit d'une écologie un petit peu vieillotte maintenant, hein, que l'écologie d'il y a 45 ans maintenant. Mais alors, Je ne pense pas que Giscard d'Estaing était visionnaire au point d'évoquer l'écologie d'aujourd'hui, mais en tout cas, c'est bien cette écologie d'aujourd'hui qui peut nous inviter à relire Maurice Genevoix et qui peut inviter les scientifiques et les écologues, pas seulement les écologistes, les écologues scientifiques, à relire Maurice Genevoix pour s'enrichir de son approche vivante. Mais ce mot d'écologie, est-ce qu'il existe dans les écrits non, de, moi dans je dans l'ai jamais. Déclarations. Alors. Peut-être que dans des interviews, il en a parlé, ne serait-ce que pour répondre aux personnes qu'il interviewait. Mais dans ce, de toute façon, il n'aimait pas les chapelles, les théories, les idées. C'était pas le monde la des politique. Idées qui l'intéressait. La politique non plus. Il avait pris ses distances, hein, même si De Gaulle aurait bien aimé qu'il ait un poste autre encore que celui de secrétaire perpétuel, qui était pourtant pas la moindre des fonctions et qu'il n'est toujours pas d'ailleurs. Mais voilà. Bon, je ne vois se méfier beaucoup des théories. Alors, il aurait pu s'en emparer, parce qu'il a quand même fini premier à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, ce qui n'est tout de même pas rien. Donc, il était très armé pour avoir une longue et brillante carrière dans ce domaine. Mais lui, il est passé au-dessus, au-delà même de cela. Et ce qui, lui, l'a intéressé, finalement, c'est la joie. La joie ressentie à la fréquentation des mondes sensibles, des mondes du vivant. On a le sentiment qu'avec Maurice Genevoix, tout est beau à partir du moment où ça existe, disons à l'état naturel. Tout est beau, y compris la tragédie. Tout est beau jusque dans le regard d'un soldat de 20 ans qui s'éteint dans les bras d'un lieutenant. Et là, je vous cite Jacques Tassin. Oui, alors là, il... tout est beau, effectivement, jusque dans la mort, mais sous réserve d'y consentir. Et c'est bien une question de consentement dont il s'agit dans l'ensemble de son œuvre. Consentir aux merveilles de la vie, mais consentir aussi au fait que la mort et la vie ne sont pas deux choses séparées. Il n'y aurait pas de vie s'il n'y aurait pas de mort. Et évidemment, il n'y a pas de mort s'il n'y a pas de vie. Donc, c'est bien cette approche entière qui favorise cet émerveillement qui effectivement est constant chez Maurice Genevoix. Et moi, je relisais une dédicace il y a pas longtemps où il évoquait le fait que ce qui l'intéressait, c'est le partage des joies qu'il avait rencontrées tout au long de son existence d'écrivain. On a parlé de notes, de carnets de notes, extrêmement peu pour le début. Si vous vous y référez, vous verrez que le temps du récit initial, c'est un cri, si vous voulez. Je suis très près de l'événement. Mais je crois que le plus pathétique et surtout le plus capable d'accéder à ceux qui n'ont pas vécu l'expérience, c'est-à-dire le plus doué d'une certaine communicabilité. Cette communicabilité, d'ailleurs, qui est impossible à la rigueur. Oui. Qui n'a pas, un ancien combattant a dit ceci qui est très frappant, qui n'a pas senti ces choses-là avec sa chair. Celui-là ne peut vous en parler. Eh bien, nous touchons à un autre point, je suis un sensoriel, c'est évident, vous l'avez dit vous-même. Eh bien, cette aptitude sensorielle me rend capable de me remettre exactement dans la situation où j'étais, de rééprouver les mêmes sensations, de sentir les mêmes réactions et de les exprimer presque comme elles ont été subies au premier moment. Archives de 1967, Maurice Genevoix était au micro de Roger Vrigny. Tout est beau, la nature est belle, même pendant la guerre, quand on est, comme Maurice Genevoix, un sensoriel, quand on est traversé par ce qui nous entoure, ce qu'on voit, ce qu'on touche. Ça, c'est assez frappant et vous le montrez très bien, Jacques Tassin, quand vous parlez, par exemple, de la forêt pendant la guerre. La forêt a beaucoup souffert aussi de la guerre et ça, on l'oublie, sauf Maurice Genevoix qui ne l'oublie pas. Oui. Alors, la guerre elle-même n'est pas belle. Hein. Il le disait lui-même, c'est une saloperie, ce sont ces termes. Donc, pas de confusion là-dessus, bien entendu. Mais au pire... Pendant la guerre, au pire des événements, il conservait cette capacité étonnante d'attention à l'égard du vivant. Si l'on parle, par exemple, des chevaux, quand on lit, alors je ne veux pas, comment dire, décrier d'autres ouvrages, mais quand on lit par exemple Le Feu de Barbusse ou Les Croix de Bois de Dorgelès, très étonnamment, il n'est question de chevaux que une ou deux fois. Dans ceux de 14, j'ai fait le compte, il doit en parler une soixantaine de fois. Encore une fois, il ne faisait pas de différence entre les êtres vivants, si je puis m'exprimer ainsi. Il y a un côté un peu animiste, c'est ça dont je suis en train de parler. Pour lui, toute vie justifie d'un intérêt et justifie de cette communicabilité dont il parlait tout à l'heure lorsque nous l'entendions. Et dans l'ensemble de ceux de 14, il est question de chevaux, il est question d'oiseaux. Il est souvent question d'oiseaux dans l'œuvre de Maurice Genevoix, qui lui permettent de retrouver le monde. Il évoque par exemple au lendemain de la bataille de la Vaumarie, une nuit terrible où une ligne française s'est fait enfoncer par l'armée allemande, où des hommes se sont égorgés. Et le lendemain, il traverse une sente forestière en voyant une merlette soulevant quelques feuilles au vent rasant de ses ailes. Ça, c'est une image qu'il reprend tout au long de son écriture, de son œuvre. Et en concluant, dans Un jour, cette merlette, c'est la poésie qui rappelle je suis la vie, il suffit de mon vol pour que le monde te soit rendu. Et les chevaux, il faut dire qu'il y en a beaucoup sur le front. Un tiers à peu près des chevaux de la France entière a été amené le front. Et Maurice Genevoix décrit, alors est-ce qu'il l'imagine, est-ce qu'il le voit, mais en tout cas, il leur prête tout un tas d'émotions qu'il lit à travers leurs yeux. Alors d'émotions, mais toujours de manière, enfin, il me semble, de manière très subtile. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'anthropomorphisme, chez Genevoix. Alors, quand vous parlez de tristesse, ça m'évoque une très belle phrase. C'est dans le village de Mouilly. Il est dans une classe qui est dévastée. Et il voit un vieux cheval s'approcher de la fenêtre. Et il dit, il flotte dans les eaux profondes de son regard, un infini de stupeur triste. Mmh. Effectivement. Donc il parle de tristesse. Je pense que c'est pas... Alors là encore, je pense que c'est être en avance sur son temps que de parler, non pas de sentiments, mais de... peut-être d'émotions, effectivement, mais je crois qu'aujourd'hui, les éthologues consentent à parler d'émotions chez les animaux. Plus poignant que ces plaintes humaines, le hennissement d'un cheval pantelé sous les étoiles. C'est une citation que vous avez relevée, Jacques Tassin. Les animaux, j'ai envie de dire bien sûr, même si, évidemment, il ne faut pas dire bien sûr, mais les arbres. Alors les arbres aussi, alors moi c'est un sujet sur lequel, enfin c'est mon domaine professionnel, je suis étonné de voir de quelle manière il s'en est saisi, jusqu'à évoquer d'ailleurs le vide que creuse un arbre qui tombe, là où il était encore présent auparavant. Là, il faut une très grande sensibilité comme celle de Genevoix pour évoquer des choses comme cela. Et bien sûr aussi, ce que ne font pas les autres témoins de la Première Guerre, il décrit ces forêts dévastées, dont il parle notamment dans un très beau livre qui est « Forêts voisines », en faisant parler un intercesseur. Il parle des intercesseurs, ces hommes très simples, qui étaient un simple valet de chiens, qui évoquait ces forêts qu'il avait lui-même côtoyées dans l'Argonne, hein, ce personnage qui s'appelle Brou dans son roman, et qui décrit ces chicots, ces arbres dévastés, qui souffrent, qui saignent même. C'est quand je dis qui saignent, c'est un terme qu'on retrouve dans ceux de 14, et qui fait que la guerre est une offense à l'ensemble du vivant, pas seulement aux hommes, mais à l'ensemble de la vie. Donc il raconte cette forêt qu'on croit indestructible, et puis petit à petit attaquée par des éclats d'obus, et puis en effet plus tard des arbres qui sautent sous l'effet des bombes. Il raconte aussi qu'il faut débiter ces arbres pour faire des tranchées, pour fabriquer finalement ces boyaux de l'horreur. Oui, la forêt était le théâtre de la guerre et l'un des instruments de la guerre, enfin en tout cas de cette première guerre, sur un front qui était très, très forestier. Les semaines qui suivirent ce jour-là ne furent qu'une longue ébriété. Un temps de liesse et de folie qui parut un rêve sans fin. Le printemps soulevait la forêt. Tout ce qui renaît au jour tiède, tout ce qui monte de la terre et de l'eau, débordait par-dessus les choses mortes, les submergeait sous son bouillonnement. L'air sentait la plante et la bête, toutes les odeurs confondues en une seule, une émanation puissante, universelle, qui traînait dans les nappes de lumière. Cela se confondait aussi avec la chanson de l'espace, les bourdonnements des vols d'insectes, les pépillements et les trilles d'oiseaux, jusqu'aux appels des charretiers dans la plaine. Tous ces bruits vivaient et vibraient dans l'épaisseur odorante de l'air. Le rouge trottait par la forêt, se roulait tout à coup dans l'herbe, se relevait d'un coup de rein pour reprendre sa course enivrée. Il abordait hardiment les lisières, écoutait au lointain les rumeurs de la plaine qui chatoyaient de colza en fleurs, de sainfoin rose, et les horizons étaient bleus. Une nuit, à l'heure où le rossignol commence à chanter, il aperçut pour la première fois, aux lisières de la plaine, un hare de son âge qui courait les naseaux dans le vent. En proie comme lui à la grande folie du printemps. Ce fut cette même nuit-là, bien avant l'aube, qu'il se sentit pénétré d'une sagesse inattendue et qu'il rejoignit l'art. La Compagnie des œuvres sur France Culture avec cet extrait de La Dernière Harde, roman de Genevoix, lu par ici Jean Topard, et c'est le réveil de la nature au printemps qu'on entend dans ces quelques lignes. Jacques Tassin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce roman La Dernière Harde, où là la nature n'est plus mutilée comme dans ceux de 14, elle en est devenue très mystérieuse? Oui, alors c'est bien ce monde inaccessible, hein, évidemment du cœur de la forêt dont il parlait déjà dans ceux de 14 dont il parle ensuite dans la forêt, dans La Dernière Harde, jusque dans la forêt perdue. C'est bien ce monde inaccessible qui l'intéressait. Alors vous faites bien de parler de la Dernière Harde après avoir évoqué la vie dans ceux de 14, parce qu'il y a beaucoup de réminiscences tout au long de son œuvre, hein, mais en particulier dans La Dernière Harde, sur l'expérience de la guerre, avec des situations où donc le jeune R, le rouge, hein, dont on parlait tout à l'heure, avec cet extrait lu, que ce jeune R éprouve lui-même en voyant sa propre mère, une biche, tuée lors d'une battue, et il sent un vide glacial qui le poursuit. Et Maurice Genevoix avait déjà exactement les mêmes mots dans ceux de 14 en évoquant la première fois où l'un des soldats qui part à l'assaut avec lui tombe à ses côtés et laisse avec lui un vide glacial qui le poursuit. Il y a aussi des réminiscences des nuits de guerre. Entre Nuit de guerre, qui est le titre de son second roman de guerre, qu'on retrouve dans la Dernière Harde. Et il y a évidemment cette fulgurance du printemps qui est évoquée aussi bien dans ceux de 14 que dans le roman de La Dernière Harde. Alors, cette Dernière Harde, c'est l'histoire, vous l'avez dit, d'un R. Est-ce que vous pouvez en résumer l'intrigue? Et est-ce que finalement c'est l'intrigue qui compte avec Maurice Genevoix? Alors, jamais, je pense. Je pense que l'intrigue est juste un argument qui est finalement peut-être assez simple d'ailleurs. Il n'y a pas d'intrigue. C'est assez banal quand même d'évoquer la vie d'un cerf. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'être, comme il le disait lui-même, comme Flaubert l'avait fait avec Madame Bovary, de devenir lui-même un cerf, donc qui est ce jeune R qui s'appelle le Rouge, enfin qu'il baptise le Rouge, qui devient ensuite un grand cerf. Comme il avait fait aussi avec un chat, avec Roux. Son roman Roux, voilà. Et c'est vrai que c'est là aussi, c'est d'ailleurs très visionnaire, parce que on voit actuellement des livres qui s'appellent par exemple Penser comme un loup ou Penser comme un rat, qui sont écrits par des philosophes qui proposent de se mettre à la place des animaux pour vraiment tenter d'éprouver la manière dont ils sont au monde. Et il était lecteur de philosophie aussi, oui, Maurice Genevoix. Tout à fait. Alors, on ne voit jamais la philosophie poindre de manière explicite dans ses romans. Le seul philosophe qu'il cite, c'est Bergson. qu'il cite plusieurs fois, dont on sent effectivement qu'il est très imprégné. Ce n'est évidemment pas le seul, mais il y a de la philosophie. Mais comme il le disait, alors en citant Shakespeare dans Hamlet ou je ne sais plus quel personnage, il a tout de même plus de philosophie dans ce caillou, dans cet arbre, qu'il y a dans l'ensemble de toute la philosophie imaginée par les hommes. Et si on allait chercher du côté des Américains, c'est pas des philosophes, de Ralph Emerson, Sorrow, ou de Thoreau. Je ne suis pas certain qu'il... Alors, il les cite effectivement dans Un jour. Je ne suis pas certain qu'il en était si imprégné que cela. Je pense qu'il il a eu sa propre approche, avec laquelle, effectivement, on peut trouver des convergences entre les approches de Thoreau ou Ralph Emerson. Mais encore une fois, alors je pense qu'il a été surtout formé par la lecture des romantiques allemands. Vous citiez Hölderlin, Novalis, Schelling, Schiller, etc. Goethe, dont on retrouve beaucoup de... Moi, je ne suis pas un spécialiste du romantisme allemand, mais on trouve quand même beaucoup de convergences dans son approche, qui est très sensible, sensualiste même, avec le vivant. Un poète qui pourrait nous rappeler Genevoix, c'est Baudelaire, et en particulier quand il est question de la forêt, parce que il y a ce vers très célèbre, la nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. Oui. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Et là, on retrouve une sensation qu'on peut avoir aussi à la lecture de ces quelques strophes en lisant Genevoix. Alors, ça n'est pas la même chose, mais il y a quelque chose quand même de commun. Là, vous citez le poème des correspondances, des fleurs du bal. Oui. Et effectivement, Genevoix utilisait ce terme de correspondance. Notamment, je crois que c'est dans 30 000 jours, où il dit, il m'est arrivé, comme Flory, qui est l'héroïne de la forêt perdue, de vivre en communion avec ce monde où les correspondances sont finalement la seule réalité. Flaubert écrivait ça à Maupassant, en disant il n'y a que les relations qui sont réelles, le reste finalement, qu'est-ce que c'est ? Et là encore, si l'on revient à l'écologie, alors pardon, mais comme je suis écologue de métier, j'ai tendance à le faire, mais ça aussi c'est très actuel. Alors on parle aujourd'hui de mésologie, qui est la science des milieux, c'est-à-dire des relations entre un individu vivant et son milieu, mais qui est envisagé de telle sorte que les deux sont indissociables. Ça forme un couple dynamique qui est en réalité un tout. Et quand Genevoix parle du vivant, il parle déjà de cela. Alors, puisque nous sommes dans la forêt, restons-y avec un extrait de La forêt perdue. Le cerf, de ses bois de massacre, touchait la poitrine d'un homme. Pesant à peine de leur pointe, d'un petit pas, et puis d'un autre, il l'obligeait à reculer d'autant. L'homme, admis dans l'ombre à la rive de la clairière, était debout de toute sa taille. À sa stature, à son maintien, aussi fier que celui de la bête, elle avait d'avance reconnu, mais il était étrangement pâle, d'une pâleur presque lumineuse, fantomale. Elle sentit les larmes monter. Ainsi le grand piqueux, toujours et malgré tout fidèle, l'aurait accompagné jusqu'au terme de sa dernière étape. Impassible devant la mort, il reculait néanmoins, peu à peu, mais non comme un guerrier qui avoue sa défaite et qui rompt devant la pointe du fer. Les armes de la bête le touchaient à hauteur du cœur. Il semblait à Fleury qu'il leur offrait sa poitrine nue. À chaque pas que faisait le cerf, à chaque pesée de ses andouillés, le pas de l'homme qui répondait était reculé, était comme un hommage d'un égal à un égal. Il avait sur le visage un sourire immobile, si paisible et si clair, que c'était cette clarté peut-être qui avait donné à Fleury la sensation d'une pâleur lumineuse, admise surnaturelle. Elle regardait toujours, fascinée. Le cerf venait de s'arrêter. Il attendait. Et devant lui, avec ce même sourire sur les traits, elle vit l'homme qui s'agenouillait. « Il a gagné, madame. » Par deux fois, car il m'eût tué s'il l'eût voulu, et devant vous, il m'a fait grâce. Mais sa plus haute victoire, il l'avait déjà remportée. Il savait que son heure était là et qu'il allait mourir cette nuit, consentant de sa belle mort. Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cet extrait est lu par l'auteur lui-même de son roman La forêt perdue. On a l'impression presque d'un diptyque parfois entre La dernière harde, La forêt perdue. Il y a toujours ce face-à-face de l'homme et de l'animal et du cerf aussi en l'occurrence. Oui. Dans la forêt perdue, alors le cerf en question, le rouge, est pris à la fin. Alors je dirais pas tout à fait qu'il est mis à mort, parce que lui, il vit, il meurt de sa propre mort, peut-être pas de sa belle mort, puisqu'il se jette lui-même sur la dague du piqueux, l'affûté. Et là, je le vois mûri entre-temps. Hein, la dernière harde, il l'a écrite en 38. Et La forêt perdue en 67. Donc il s'est passé autant de temps pendant lequel il a mûri aussi son approche de la mort et de la chasse aussi d'ailleurs. Dans La dernière harde... Ça veut dire comme mûrir son approche de la mort en l'occurrence. Alors, il a écrit La forêt perdue avant d'écrire la mort de près. Qu'il a écrit en 72, donc pas très longtemps après, et puis avec d'autres textes, où dans la mort de près, là je passe à la mort de près, je reviendrai à la forêt perdue ensuite, il évoque combien finalement mourir c'est une chose très simple, que l'on peine à investiguer ou en tout cas que l'on envisage de manière complètement fausse lorsqu'on n'est pas en situation de mourir. Lui-même, dans son expérience de guerre, a failli mourir au moins trois fois, en réalité plus d'autres fois, puisqu'il a été enseveli. Mmh. Et à chaque fois, ce qu'il a ressenti, c'est que finalement, ce n'était pas si dur. Le fait de mourir, finalement, est dans la continuité de la vie. Néanmoins, il ne s'agit pas d'outrepasser et de faire violence, de transgresser les lois de la vie. Et dans La forêt perdue, c'est ce que tente de faire la brisée, hein, que le cerf, le grand cerf, met à genoux. Mais il est vaincu finalement par cette force de vie qui est représentée par le cerf, qui est lui-même le cœur de la forêt. Et Flory finalement va parvenir à approcher ce cœur de la forêt, à être préservé par ce cerf qui aurait pu la blesser, parce qu'elle consent, parce qu'elle a une approche plus orphique, je dirais, que cette joie barbare qui animait le piqueux, la brisée. Alors, la mort, quand elle est consentie, n'est pas aussi douloureuse qu'on pourrait se l'imaginer. Qu'en est-il de la chasse ? Tout à l'heure, vous nous disiez que Maurice Genevoix était contre la chasse. Il a cette phrase paradoxale que j'aimerais vous faire commenter. « C'est, je crois, par amour de la chasse que j'ai cessé d'être chasseur, Jacques Tassin. » Ah, là, vous me posez une colle. C'est parce que je ne sais plus où il a écrit cela. C'est dans un petit texte qui s'appelle « Poésie de la chasse ». D'accord. Alors, je ne connais pas ce texte-là. Mais je peux le comprendre de la manière suivante. C'est-à-dire que dans la chasse, il pressentait à la fois cette joie barbare dont je parlais tout à l'heure, qu'il réprouve, évidemment, mais aussi cette quête. Et je pense que c'est cette quête qui a fait que la chasse l'a intéressé et qui fait qu'il a obtenu son prix Goncourt avec Rabouilleau. Mais c'est ce côté joie barbare qui est jamais dissociable de la chasse qui fait que finalement il avait un fusil, mais il l'a reposé. C'est un peu la mort, le sang et le monde sensible qu'on arrive à attraper ou du moins à toucher à travers cette activité de la chasse. C'est-à-dire, donner la mort à un animal, c'est aussi, une question que je pose, dans la perspective de Maurice Genevoix, saisir un petit peu mieux ce que c'est que le sensible, le vivant et donc la mort. Je ne sais pas s'il allait jusque-là. J'en suis pas persuadé, dans la mesure où tout de même il était suffisamment sensible au vivant pour être non pas offusqué par la mort, mais quand même pour être révolté contre la mort. Donc le fait de donner la mort, certes, bon voilà, il a grandi dans un milieu rural, donc cette mort était présente autour de lui, mais je ne crois pas qu'il voyait la mort, enfin le fait de donner la mort comme un acte permettant d'aller au devant de la vie. Par exemple, il n'a pas parlé de la tauromachie, de ce genre d'activité. Je ne crois pas, mais je ne crois pas, non. Je sais qu'il parlait des cirques qu'il réprouvait aussi. Il parlait de cette tristesse qu'il voyait dans les fauves qu'il voyait derrière leur cage. Alors la forêt, évidemment, pour un écrivain, c'est forcément une façon de faire jaillir des symboles. Pendant ceux de 14, chaque arbre qui tombait pouvait être le symbole d'un soldat. Quand il a quitté le front pour l'hôpital, il avait l'impression, en même temps qu'il quittait la nature terriblement mutilée dans laquelle il se battait contre les Allemands, il avait l'impression de quitter cela en même temps que ses camarades. Quels sont les symboles de la forêt à travers ses autres œuvres, comme par exemple La Dernière Harde, qui sont les œuvres vraiment de nature, ou comme dans Rabolio par exemple, les œuvres de nature de Maurice Genevoix, Jacques Tassin? Oui, bon, je dirais la forêt, c'est la liberté, c'est le sensible. Et c'est l'outre-monde. Dans la forêt perdue, c'est exactement ça. Hein. Ce sont les hommes qui vivent dans une plaine, dans leur propre monde, alors qui a la platitude d'une plaine, effectivement, et du quotidien. Mais la forêt qui jouxte cette plaine, c'est l'outre-monde. Et c'est la mort qui est présente, que les chasseurs tentent de forcer. Il y a ça derrière. Il y a vraiment le rapport à la mort qui est présent, et ça c'est lié à son expérience de guerre, qui est présent dans l'ensemble de son œuvre. Donc c'est un des points dominants du symbole que représente la forêt. Et le rapport à l'animal, la chasse qui est la traque d'un animal dans La Dernière Harde, fait quand même penser beaucoup à la traque de Moby Dick. Il y a aussi ça quand même chez Genevoix. Oui. Comment dire, il y a des grands récits qu'on retrouve derrière l'œuvre de Maurice Genevoix. Maurice Genevoix ne dédaignait pas les grands mythes qui structurent le monde. Et lui, il était fin connaisseur de tout cela, effectivement. Il y a peut-être, je ne sais pas, s'il faut voir aussi des analogies christiques avec le cerf qui est très présent aussi dans la symbolique chrétienne. Vous les voyez, chrétienne. En tout cas, vous ? Moi, non. Moi non, très sincèrement. En tout cas, Moby Dick a été traduit, comme vous le savez, par Giono. Giono qui était aussi une sorte de paysan, d'une certaine façon. Enfin, il y avait un rapport à la terre qui était peut-être similaire à celui de Genevoix. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ces deux écrivains qui vous semble se rapprocher ? Oui, il y a quelque chose de commun. Évidemment, je dirais, dans cette manière commune d'aller au-devant de l'invisible. Cela étant, Giono passe par une certaine forme de lyrisme, ce qui n'est pas le cas de Maurice Genevoix. C'est pas vraiment du lyrisme, c'est de la poésie pure. C'est ça qui l'intéresse. C'est cette communicabilité dont on entendait parler tout à l'heure, qui permet de tenter de représenter la nature de manière transparente, finalement, au plus près, en tout cas, de ce qu'on peut en voir et en entendre et en sentir et en toucher, etc. C'est vraiment un écrivain sensoriel, il l'a dit. Hein. Comme peut-être aussi l'était Maupassant qu'il aimait tant. Je crois qu'il y avait une affinité préalable entre ma façon de voir les choses, de goûter les paysages, les odeurs, les lumières, les clartés et les ombres, les fleurs des champs, enfin tout ce qui fait qu'on est un homme pour qui le monde extérieur existe, entre ma façon de percevoir tout ça et la façon dont Maupassant, écrivain, lui, l'exprimait, une sorte de préharmonie, d'affinité qui m'a attiré de ce côté-là. Et surtout, à travers 50 et quelques années d'intervalle, le souvenir que j'en ai gardé est d'une nature affective. Ce à quoi j'ai été sensible, je le crois, enfin à la lumière de ma propre expérience, de ma longue expérience d'aujourd'hui, c'est à la richesse de l'appareil à sentir, l'appareil sensoriel à regarder, à voir, à jouir des lumières, des ombres, à réagir à la mélancolie, par exemple, des crépuscules, ou à l'allégresse des aubes, ou à la beauté d'un talus où les fleurs du printemps éclosent, également aux odeurs, enfin tout ce qui intéresse le sensualisme. Et alors là, vraiment, je crois que Maupassant, à ce moment-là, m'a comblé parce que il a, en quelque sorte, je ne parle pas de modèle littéraire, mais il a, en quelque sorte, donné une réalité littéraire, une réalité esthétique à des virtualités qui étaient en lui à l'origine, comme je les sentais en moi. De 1971, Maupassant était le peintre de la Normandie, comme Genevois l'était de la Sologne, selon vous, Jacques Tassin? Oui, oui, probablement. Vous faites bien de parler de peintre, hein, parce que Genevois, dans son écriture, procède tel un peintre. Ça avait été très bien vu, d'ailleurs, dans Rabolio, où dès les premières critiques, on s'émerveillait de cette capacité à rendre compte, mais pas seulement de manière visuelle, hein, de manière intégralement sensoriel, il donne beaucoup, Genevois donne beaucoup à entendre, à sentir, etc. Donc effectivement quelque chose de très commun entre Maupassant et Genevois, au point d'ailleurs que quand on lit son mémoire qu'il écrit avant de partir sur la guerre, sur Maupassant, à l'ENS, on a l'impression qu'il parle de lui-même. C'est assez savoureux de regarder cela. En tout cas, il s'est retrouvé dans le personnage de Maupassant, qui avait cette faculté à rendre compte, effectivement, de cette face invisible du monde, et cette persuasion, comme il vient de l'expliciter, que le monde externe existe aussi. Et là, je voudrais juste vous citer une phrase de Forêt voisine, de Brou, où il écrit « À présent, je sais et je crois. Ma vie respire dans la forêt et je la sens dans tout ce que je vois, tout ce que je touche et j'entends. » C'est bien de cela dont il s'agit. C'est-à-dire se percevoir, non pas uniquement dans soi-même, non pas cerné par son enveloppe ectodermique, hein, mais au-delà de soi-même, dans l'ensemble de cette matrice vivante. Donc véritablement, plus qu'un exercice d'altruisme, de se fondre. Tout à fait. Absolument. Il ne s'agit pas d'altruisme, il s'agit d'une capacité, d'une grâce, comme il disait, qui se mérite. Alors si on parle de communion, là on risque de partir dans une forme d'ésotérisme, mais en tout cas, une grâce qui permet de rejoindre cette connivence, cette unité, hein, on revient encore à Hölderlin, avec l'ensemble du vivant. Bon, moi, en tant qu'écologue, je ne peux pas oublier tout de même que l'ensemble du vivant descend d'une cellule originelle. Vous pensez à ça aussi en lisant Maurice Genevois? Oui, bien sûr. Oui, oui. Moi, je n'arrête pas de croiser entre ce que je lis dans le domaine scientifique et ce que Genevois révèle avec son regard de poète. Bon, mais alors, il y a un éléphant dans la pièce. Cet éléphant s'appelle Dieu. Est-ce qu'il faut en parler maintenant, Jacques Tassin? Effectivement, au moins pour chasser cette grosse erreur qui est faite parfois, qui consiste à croire que Genevois était panthéiste. C'est pas parce qu'il avait effectivement une fibre animiste mais dans le sens anthropologiste du terme, c'est-à-dire où il considérait que il n'y a pas de scission dans le phénomène vivant entre l'homme et les autres êtres vivants. C'est pas parce qu'il a cette dimension animiste, entre guillemets, qu'il était panthéiste. Il se revendiquait chrétien. Il s'est exprimé là-dessus. Ouais. Lors de la cérémonie des Invalides, après sa mort, le révérend Père Carré, qui a prononcé l'homélie, avait rappelé tout cela. Il lui-même disait, ceux qui l'ont cru panthéiste, n'ont rien compris à son œuvre. Et il le disait lui-même, Maurice Genevoix, il disait, de mémoire, dans Un jour, je demande simplement à Dieu qu'il me laisse le prier au spectacle d'une nappe de jacinthe bleue, de la sérénité d'un soir qui monte, etc. Alors j'ai même la citation, si vous voulez. Je suis né catholique, je le reste, mais je demande à Dieu qu'il me laisse le prier à travers sa création. Une nappe de jacinthe bleue au printemps, la sérénité d'un beau soir, la montée d'un soir d'automne. Voilà, bon, mais il a tout dit. Il a tout dit. Un chrétien dirait Dieu s'est fait homme. Lui, il disait, bon, d'accord, Dieu s'est fait homme, mais laissons dire aussi que Dieu s'est fait l'ensemble de la création et que l'on puisse prier Dieu à travers sa création. Ce n'est pas être panthéiste que de dire cela. Ouais. Il y a une autre citation qu'on pourrait donner. Si je parle d'illumination, ce n'est pas que je songe à des conversations fameuses, foudroyantes, aux pleurs de joie, aux stigmates, aux apparitions célèbres. Céleste, c'est qu'il s'agit en effet d'une prise de conscience neuve, illuminante, comme d'un voile déformant qui s'écarte et laisse apparaître les choses dans leur réalité profonde, divine. C'est ça finalement la présence de Dieu pour Maurice Genevoix. Oui, au travers de fulgurances, presque, pourquoi pas le dire, mystiques, il n'y a pas de honte à dire cela, qui sont présentes au travers de fortes émotions qui peuvent être liées à la guerre. Dans ce 14, il y a de telles fulgurances, mais aussi dans l'ensemble du quotidien, à la contemplation des spectacles de la nature, où effectivement ce voile se soulève. Alors ce voile, il se soulève de préférence en silence. Et Maurice Genevoix, même s'il passait beaucoup à la télévision, à la radio, en fait, on le sent très bien en vous lisant, Jacques Tassin, c'était quelqu'un qu'il fallait appréhender, apprivoiser. C'était quelqu'un qui était aussi un adepte du silence. Oui. Alors, pour lui, il ne voyait pas d'opposition, d'antinomie dans ces deux attitudes. Effectivement, il aimait beaucoup fréquenter les hommes, quels qu'ils soient. Enfin, on entend qu'il aime parler, mais il aime aussi le silence. Oui. Oui, mais il aime effectivement. Alors, je sais qu'il y a des témoignages qui ont été donnés quand il était parti au Canada, où il a passé 3 semaines dans la forêt canadienne, et ceux qui l'accompagnaient disaient... Il aimait beaucoup ces grands espaces canadiens. Oui. Mais il aimait être dans ses... Alors, je n'irai pas dans ses pensées. Je ne pense pas qu'il était dans ses pensées, mais en tout cas dans ses dispositions d'appréhension sensorielle de la nature. Je pense que quand on parle aujourd'hui de méditation, etc., lui, il en faisait sans le savoir. Il avait, je pense, une capacité à interrompre le monologue et le foisonnement d'idées que nous avons tous pour finalement être à l'écoute de la nature. Et ce n'est pas si facile. Et lui avait cette disposition-là qui lui permettait aussi, finalement, de se ressourcer lorsqu'il le fallait. Et ça, on le retrouve aussi bien dans ce 14 que dans, encore une fois, dans de nombreux autres livres. Est-ce que la pêche pouvait l'y aider? Parce qu'on a parlé de la chasse, mais la pêche, c'était aussi quelque chose qu'il aimait beaucoup. Alors, pas aussi, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup, contrairement à la chasse. Absolument. Il était un grand pêcheur. Il y est venu à la mort de sa mère. Où il s'est retrouvé seul, dans une maison qu'il partageait avec son père et son petit frère, et qu'il aimait volontiers quitter en retrouvant, je vais dire, ce personnage de la Loire, qu'il dépeint d'ailleurs comme tel dans Rémy Desroches, auprès de laquelle il trouve un réconfort et qu'il décrit d'ailleurs plusieurs fois sous un visage féminin. Et la pêche, c'est... sans doute cette première disposition qui permet aussi d'aller dans l'invisible, des eaux profondes. Moi, j'ai été aussi un pêcheur de rivière, et c'est vrai que c'est à chaque fois une joie merveilleuse que de sentir sur le poignet cette réponse à la quête que l'on peut avoir, qui consiste à essayer de puiser quelque chose qui sortira de l'invisible que représentent ces eaux d'une rivière. petit à petit, sans même que j'en ai eu d'abord conscience. C'est venu après. Mais au départ, vraiment, c'était inconscient. Tous ces amis à poils et à plumes, insidieusement, mine de rien, me tiraient peu à peu vers ma propre mémoire. Et d'ailleurs, cela s'explique un peu, parce que plutôt que de faire œuvre extérieure, un peu chiquée, œuvre de naturaliste, se documentant dans des encyclopédies, par exemple, et constatant des détails pittoresques ou amusants, par exemple que l'escargot a 25 000 dents, ou qu'il est non pas hermaphrodite, mais bisexué. Eh bien, tout cela est palpitant, mais ça ne m'intéressait pas autrement de me livrer à des variations en marge d'observations naturalistes. Je m'étais dit, je n'aurai qu'une source, c'est ma propre mémoire, ce sont mes propres souvenirs. Et alors, c'était fatal. À partir du moment où je ne voulais recourir à aucune autre source que cette source intérieure, eh bien, ça me ramenait vers moi-même. Et petit à petit, ce bestiaire est devenu, à l'occasion ou sous prétexte de, des mémoires. Des mémoires d'où les formes de la vie dont je vous parlais tout à l'heure. J'aurais pu écrire aussi un tendre herbier, par exemple, et je me serais retrouvé de la même façon. Au fond, Jacques Tassin, raconter la nature pour Genevoix, c'est se raconter soi-même. Oui. Oui, il est toujours présent d'ailleurs dans son œuvre. C'est toujours lui et les paysages, le moi et les paysages. Il est fondu dans les paysages. C'est ça qui l'intéresse et c'est ça qui a animé l'ensemble de son œuvre. C'est ce qui l'a intéressé. Il parlait de communicabilité au début de l'émission, enfin dans le premier extrait. C'est rendre compte de cette fusion qui les tellement difficile d'évoquer, c'est tellement ineffable, indicible, mais lui avait trouvé les mots pour cela. Et donc c'est bien cette fusion entre l'homme et la nature qui, lui, l'a toujours fasciné, mais pas seulement fasciné, dont il a su rendre compte dans l'ensemble de ses livres. Et dans les bestiaires, notamment, il faudrait en dire un mot. Alors quand effectivement, même. Les bestiaires, encore une fois, alors c'est très construit, je pense, les bestiaires, parce que effectivement, tel qu'il évoque, on a l'impression qu'il va évoquer, un hanneton, un brochet, et puis petit à petit, ça va lui évoquer d'autres souvenirs. Bon, en réalité, tout cela a été très pensé, puisque les bestiaires ont résulté d'un ensemble de chroniques qu'il donnait à la radio. Donc, il a réuni sous la forme d'une centaine de textes, donc publiés en trois volumes, tant de bestiaires, bestiaires enchantés et bestiaires sans oubli, où effectivement, ce qui l'intéresse, c'est la manière dont le vivant le ramène à lui-même, de la manière que lui-même le ramène au vivant. Donc c'est bien cette connivence, cette coexistence qui l'a toujours intéressé. C'est la vie dans la vie vivante. La vie qui correspond avec la vie, les oiseaux qui correspondent avec les fleurs. Tiens, les fleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi beaucoup de fleurs chez Maurice Genevoix. Oui, alors je ne sais pas comment il procédait pour avoir un tel savoir d'ailleurs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tant de guides que cela, mais il était très bon botaniste. Moi, ce qui m'épate beaucoup, c'est que dans ses romans, les fleurs fleurissent au bon moment. Au moment où les oiseaux chantent en même temps. Bon, là, il faut vraiment être exercé pour ne pas tomber dans l'erreur. Je veux dire, les digitales pourpres fleurissent bien en juin et ni en mai ni en juillet, etc., etc. Pour l'ensemble de ce qu'il décrit. Et je ne sais pas comment il est venu à la botanique. Je sais que dès l'âge de 12 ans, il avait déjà un cahier où il observait quand même ce qu'il voyait lorsqu'il partait au bord de la Loire. Et c'est là qu'il a commencé à acquérir une connaissance très fine de l'ensemble de cette biodiversité ordinaire, on dirait aujourd'hui. Et dont il parle évidemment en poète, comme cette image du cygne, par exemple, qu'il compare à une immense fleur de magnolia qui effleure la surface de l'eau, justement, dans Tendre bestiaire, ou alors à ce héron pique-bœuf dans Le pâtre des oiseaux blancs qui, perché sur un arbre mort, fait croire que cet arbre a une grande fleur, oui, de magnolia à la fois la science, à la fois la poésie, à la fois l'observation et à la fois l'image mentale. Oui, et les correspondances, encore une fois, qui rejaillissent ici. Mais la science, tout de même, là, on vient de l'entendre, il l'a taclé encore une fois en parlant, il disait, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir que sur la langue de l'escargot, il y a 25... C'est quand même intéressant de le savoir. Oui, mais pas pour lui, je ne crois pas. Parce qu'il le savait déjà. Alors, peut-être, effectivement, mais sa posture était de dépasser tout cela, en tout cas, et d'aller vers, encore une fois... Pardon de le répéter, mais vers une approche sensible. Il y a de la nostalgie dans cette approche justement sensible, dans cette beauté impossible. Sans doute. Oui, c'est certainement. Alors, de la nostalgie de l'enfance, qu'il a beaucoup célébré dans l'ensemble de son œuvre, qui était pour lui une période de transparence. Hein. Il évoque par exemple dans Lorelai, en parlant de cet adolescent Julien, qui était lui-même d'ailleurs, hein, qui évoque ce moment... où il y a une sorte de transparence, de buée fine qui fait que tout est contigu et puis qui disparaît au moment de l'adolescence. Mais l'enfance, c'est pas ça, c'est vraiment cette porosité, cette manière que l'on a, qui nous est donnée par la grâce du ciel, d'être en communion avec l'ensemble de ce qui n'est pas nous-mêmes. Merci beaucoup Jacques Tassin. Je rappelle qu'on vous doit beaucoup de livres sur l'auteur de La Dernière Harde, Genevois survivant de 14 chez Doyen Éditeur, La vie selon Genevois aux éditions du Petit Pavé, Au-devant de Maurice Genevois. C'est le dernier chez Corsair Édition. Tout de suite, on retrouve En compagnie des revues. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec aujourd'hui Fabien Simode, rédacteur en chef de la revue L'Œil. Bonjour à vous Fabien. Bonjour Mathieu. Le triomphe de la végétation est total. Cette citation aurait pu être de Maurice Genevois, mais elle est d'un autre prix Goncourt. Elle est de Michel Houellebecq. C'est par ces mots en effet que l'écrivain referme la carte et le territoire dont je vous rappelle ces dernières lignes. Ce sentiment de désolation aussi qui s'empare de nous à mesure que les représentations des êtres humains qui avaient accompagné Jed Martin se délitent sous l'effet des intempéries, puis se décomposent et partent en lambeaux. Elles s'enfoncent, semblent un instant se débattre avant d'être étouffées par les couches superposées de plantes. Puis, tout se calme, il n'y a plus que des herbes agitées par le vent, le triomphe de la végétation est... total. Vous vous en souvenez, Mathieu, La carte et le territoire est le roman de Houellebecq qui nous emmène dans le milieu de l'art contemporain à travers la vie d'un artiste fictif, Jed Martin. Or, à la fin du roman, lorsque les personnages disparaissent, reste un espoir, celui de la régénération de la nature. Associer l'art contemporain à la végétation, quelle drôle d'idée. Pourtant, Houellebecq a vu juste. L'herbe, les fleurs et les arbres sont devenus ces dernières années un matériau très prisé des artistes, au même titre qu'ils se servent d'un crayon ou de peinture, les plasticiens utilisent désormais le végétal dans leur création. Alors évidemment, il ne s'agit plus de représenter la nature à la manière de Dürer peignant sa grande touffe d'herbe, mais de faire entrer la nature dans les arts plastiques. C'est sur cette tendance qu'Anne-Cécile Sanchez enquête ce mois-ci dans le magazine d'art L'Œil. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une exposition, une installation, une œuvre ne s'empare du botanique comme matériau, comme sujet de réflexion, note Anne-Cécile Sanchez, qui remarque au passage que le livre du philosophe Emanuele Coccia, paru en 2016 sur la vie des plantes, est l'un des essais les plus cités aujourd'hui chez les artistes. Ce n'est pas Klaus Littmann qui nous contredira. Le curateur suisse vient en effet de réaliser une immense installation artistique en Autriche. Littmann a planté dans le stade de foot de Klagenfurt des arbres. Mathieu, Jacques, imaginez-vous vous asseoir dans un stade et regarder une forêt de 300 arbres plantés là sur le terrain de foot. Ce spectacle statique serait absurde s'il ne réalisait pas le dessin en crayon réalisé dans les années 70 par un autre artiste, Painter. Mais il serait encore plus absurde si ce dessin n'était pas visionnaire, s'il ne faisait pas écho à la triste actualité écologique et à la déforestation en cours, par exemple au Brésil. C'est justement un artiste brésilien, Luiz Zerbini, qui ouvre actuellement l'exposition « Nous les arbres » à la Fondation Cartier à Paris. L'installation de Zerbini se compose d'une série de peintures monumentales entourant une table herbier pensée comme un dessin en trois dimensions. Sur cette table est planté un magnifique Ficus microcarpa, autrement appelé Ficus banzai. S'il ne s'agit pas chez Zerbini de vanter les vertus de l'arbothérapie dont vous parlez Jacques Tassin dans votre livre « Penser comme un arbre », il est question en revanche de la cohabitation entre la modernité brésilienne et la forêt amazonienne, bref, de la cohabitation entre l'homme et la nature. Et oui, parce que, outre son indéniable dimension esthétique, le végétal dans l'art s'accompagne presque toujours d'un message politique. En quelques mots, Fabien Simode. Et oui, est-ce que Joseph Beuys entreprend de planter les 7000 chênes, par exemple, lors de la Documenta de Cassel? Il n'entreprend pas qu'un message écologique, c'est aussi un message de replanter la forêt, par exemple, teutonique. Alors, est-ce que Maurice Genevoix aurait aimé cette utilisation du végétal dans l'art, difficile de répondre. Mais il aurait sans doute remarqué que si la société en général, et les écrivains en particulier, se sont aujourd'hui éloignés de la nature, les artistes plasticiens, eux, tentent de rétablir le lien avec le vivant. Qu'au moins dans l'art, pour plagier Houellebecq, le triomphe de la végétation est total. Merci Fabien, et pardon de vous avoir un peu bousculé.